starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Ils vont délire ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. Jadoule, Jadoule, Jadoule, tous les mercredis. Jadoule, Jadoule, Jadoule, dans la trappe. 3, 2, 1, now! Dès 20h, la trappe avec Jadoule et toute son équipe sur KIF. Waouh! Bienvenue, on est en direct avec vous, 20h01. Ça y est, la trappe se réinstalle pour une nouvelle semaine. Ah oui! Enfin, on va pas rester une semaine, hein. On s'installe pour 2 heures. Cette semaine. Ce serait bien. Je suis pas sûr. Ils ont déjà du mal à nous laisser 2 heures. C'est vrai. Pas déconner non plus. Soyez les bienvenus, l'émission s'appelle La Trappe. Je m'appelle Jadoule. On est parti donc là pour une riche émission. On a prévu plein de séquences pour vous. Ça va être vraiment génial. Avant ça, laissez-moi d'abord vous parler du problème. Le problème a des longs cheveux. Un beau sourire. Mais non. Mais est enrhumé. Mais oui. Non, ça entend pas à ma voix. Qui Non, en vrai, le problème, c'est pas ça, c'est l'emplacement, parce qu'elle est juste à côté de moi. Ah, mais c'est le prochain. Ah oui, moi je suis le prochain. Bah, ça va, je parle déjà du nez en général, mais. Mais il voulait me mettre dans une autre pièce, quoi. Oui. Mais non. Non, mais pas si. Non, le balcon, c'est pas une autre pièce. Hein. Mais c'est pas gentil. Non, mais techniquement, on avait prévu de la longueur de câble pour que tu sois dans la pièce. Mais ça va, j'ai pas la gale non plus. J'ai une petite grippe. On avait quand même envisagé à ce que tu fasses depuis chez toi. Hein. Oui, mais je te l'ai déjà dit, ma connexion internet est aussi stable que Britney Spears, donc c'était pas possible. Très bien répondu. Et si je vous dis. On change de sujet, rien à voir. Quel est le point commun entre Jonathan, Sarah, Emma ou Olivier? Ils vont nous rejoindre dans la trappe? Non. Ah, okay. Non, pas cette place. Quel pourrait être le point commun, Jonathan, Sarah, Emma ou Olivier? Ils sont frères et sœurs. Non. C'est en rapport avec le prénom. On dirait les prénoms qu'il y a dans, tu sais, les livres d'exercice, là, les problèmes. Jonathan a une pomme, mais Emma en veut une. Et la baignoire se vide. Combien de litres? Ça pourrait être possible. Selon l'université de Stanford, Jonathan, Sarah, Emma ou Olivier auraient un QI plus bas que la moyenne. Oups. Tu vois? Voilà. Ouais. Bon, je me sens un peu plus élevé là. Vous êtes passé entre les lignes, hein, mais je pense que voilà. Et de l'autre côté, à l'inverse. Les maris et les gens seraient les plus intelligents. Ah, je connais un genre. Et il est malin? Il écoute pas donc. Non, si, il est malin. Ouais, bah voilà. Bon, c'est pipé hein, comme sondage, hein, je pense. Merci Stanford, mais bon, je pense qu'on repassera plus tard. Ils auraient pu me citer, ils auraient pu citer 2-3 personnes. Ouais. Bon, bah c'est pas voilà. Non, c'est pas cool, c'est pas cool. Fiable. Pas cool pour nous. Dans cette émission, on va voir dans quelques instants le porte-voix de la semaine. On va revenir sur les Français qui nous ont clashés. Ils ont clashé la Belgique, on sait pas pourquoi. Encore? Oh, bah c'est habituel, ça c'est pas. C'est méchant. Et on aura une nouvelle séquence. Ça s'appelle le podcast. Le quoi? Alors, c'est pas un podcast. C'est un pot de crasse. Ok, oh là là, j'ai peur. J'avais compris podcast moi au début. On va pas finir sale. Alors, il y a des défis, il y a des trucs à voir. On va pas en sortir indemne. En attendant, bonsoir Maëva. Bonsoir. On l'a compris, hein, c'est pas la forme. Bah, ça va, c'est bon. Pas. Mais je suis contente d'être là. Tu sais que ça s'entend jamais à la radio quand on est malade. Ah ben voilà. Non, oui, vraiment. Nous aussi, on est contente que tu sois là. Ouais, enfin, quand je suis arrivée, il y a Jadoule qui m'a quand même regardé dans les yeux en me disant: tu sais, t'étais pas obligée de venir. C'est comme si j'étais. Ah, t'es vraiment là! Un accessoire, un accessoire à l'émission. Tout. Je suis juste humain, je vais pas te forcer à venir si t'es pas bien. Je ne raterai jamais. J'ai eu un accident, je suis venue, j'étais malade, je suis venue. C'est vrai. J'ai perdu une voiture, je suis venue, je viens, point. Faut quand même vous dire que le jour où elle a eu son accident de voiture, on faisait une émission de 3 heures, elle arrivait à 1 heure en retard. Oui. Donc ça a compensé. Excuse-moi le constat. Mais c'est vrai qu'elle est venue quand même, quand il faut le faire. Venue, ouais. Ça a le mérite. Quand même te dire bonjour. Allez. Toutes les semaines, on va te le mettre. Hein. Ouais. Et je l'ai fait écouter à ma maman. Et ta maman, elle a dit quoi? Bah, elle était très contente d'entendre ça. Et de toute façon, elle va continuer à mettre sur Facebook mon kiki d'amour, ça évidemment. Tu veux qu'on t'appelle dans l'émission mon kiki d'amour? Non, pas spécialement. Mais tu sais qu'elle m'a dit: mais c'est mignon mon kiki d'amour! Et elle a pleuré sur les extraits que t'avais mis. Ouais, ce, voilà, ce cet extrait-là. L'école, c'est bien pour apprendre. Quand c'est ça. Enfin, elle était émue, quoi. Elle a pas pleuré, mais elle était émue, oui. Qui peut être ému avec cet extrait? Quand c'était le dernier jour d'examen, il m'avait dit on va aller faire la fête au restaurant. J'ai bien le petit rire à la fin, il est trop mignon. Bravo, Kix. Merci bien. Bravo. Les 20h, c'est la trappe sur KIF. Bienvenue, l'émission est en direct. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Je vous propose de faire un petit zapping avec moi des JT. Ok. On le fait pas assez souvent, je trouve ça, mais pas les JT nationaux, les JT des télés locales. Ok, ah ouais, ça peut être bien ça. Comme ça, on va un peu se balader, découvrir des nouveaux horizons, des sujets qu'on a peut-être pas l'habitude de traiter, et on va peut-être tomber sur une info intéressante. Allez, on commence. Voici Ratus, la star de l'année au musée des égouts. Ratus norvegicus, c'est le nom scientifique de... c'est vraiment le rat brun, le rat des égouts. Selon les dernières estimations, plus de 2,5 millions de rats auraient élu domicile dans notre capitale. Waouh, la nouvelle aile du musée des égouts dédiée aux rats. Mais bon, on a connu peut-être plus intéressant. On va peut-être zapper, on va en province de Luxembourg maintenant. Petite démonstration de ricochet ce mardi à la base de loisirs de Neuchâtel. C'est là que se déroulera le premier championnat de Belgique de ricochet le dimanche 24 septembre. Chacun doit venir avec ses cailloux ? Oui, c'est ça. Donc chacun a le droit de choisir ses cailloux. Ah, ça aussi, c'est super intéressant. Et en plus, si on gagne le record de ricochet à Neuchâtel, ce sera même pas homologué. Parce que pour ça, il faut aller au championnat du monde de ricochet. Oh là là. Oh bah, ça sert à rien, je zappe. Allez, on retourne à Bruxelles. Avec leurs couvercles et leurs lunettes amovibles, nos toilettes deviennent des œuvres d'art. Et dans la galerie de la Reine, les visiteurs découvrent ces objets de notre quotidien. Ah super, une expo de chiottes. Bon alors, attention, l'artiste a même été interviewé. On a plutôt en tête des odeurs nauséabondes et des bruits même, voilà, comme par exemple Prout. Alors je me suis inspirée de ça pour faire quelque chose de plus qui sentirait bon. Comme si on pouvait sentir la toilette et qui serait doux et cocoon. Cocoon, en manger du boulgour peut-être sur la toilette. Elle a vraiment dû préparer un texte pour parler d'une toilette. Ah non, elle, en fait, c'était exposé aux Galeries de la Reine. Elle répond okay. Juste à l'interview. Tiens, pourquoi des toilettes sont exposées? Ouais. Passionnant. Okay. Bon bah. Allez, on zappe une dernière fois. Oh tiens, il y a ces news. Alors, le bourgmestre de Charleroi s'appelle Paul Magnette. C'est l'équivalent du maire, évidemment, de la ville. Et les caméras de CNews sont allées l'interroger, ce brave homme. Écoutez le bourgmestre. Non mais vous, je vous réponds pas. Hein. Ah bon? Non. Ben non, vous êtes une chaîne d'extrême droite. Voilà, et c'est-à-dire, c'est... Des médias comme les vôtres et des réseaux instrumentalisés sur les réseaux sociaux qui diffusent des fake news, qui diffusent des choses totalement fausses. Vous avez et qui font qu'on a après des gens qui pensent qu'il n'y a que la violence comme solution. Et donc non, je ne vous réponds pas. Vous avez compris, il y a le maire de Charleroi qui met un gros vent à la chaîne CNews. Ouais, alors, j'ai vu ça. On ne va pas faire de politique hein, ici dans l'émission. Écoutez juste la réaction des Français en plateau au refus de cette interview. Manifestement, ce monsieur est plein d'intelligence, plein d'intelligence, nuances, plein de qualités intellectuelles, plein de tolérance également. C'est un homme vraiment. On sent de la culture. Il y a de la culture. Voilà, c'est un homme remarquable. Ouais, ouais. Il est quelle étiquette comme ça en passant? C'est pas. Je ne sais pas. Quand on ne sait pas, Pascal Praud, on va sur Wikipédia. Oui, mais c'est vrai. C'est un homme qui est c'est un Belge francophone, membre du Parti Socialiste. Il est né en 1971 à Louvain. Ah bah c'est bon, là on est éclairé, ok. Il a de la répartie en tout cas, c'est bien. Non mais cette séquence a été diffusée sur la télé de Charleroi. Dingue. L'extrait est passé sur Télé-Sambre. Écoutez bien la sortie du journaliste après la diffusion de ça en plateau. Oui, et pour rappel, Charleroi s'est récemment déclaré ville antifasciste. Et visiblement, tout ce qui dépasse les frontières de la France dépasse également Pascal Praud et son équipe. D'ailleurs, le sujet qui va suivre pourrait peut-être les intéresser avec cet édifice de la paix qui a été inauguré aujourd'hui au parc Nelson Mandela. Oui, parce qu'on a épargné quand même quelque chose à la Belgique. En Belgique, il y a un extrait qui n'est pas passé. C'est la conclusion qu'ils ont fait sur CNews après toute cette histoire. Il est vrai que la Belgique, c'est la France Empire. Hein. La Wallonie, pas la Flandre. C'est la France Empire. La France Empire. Vous vous rendez compte le scud qu'on se prend dans la gueule. La meilleure réponse, c'est de rien répondre, en fait, tout simplement. Non, mais alors quelque part, ils n'ont pas tort. La Belgique, c'est la France Empire, oui. Eux, ils ont par exemple Jean Lassalle. Et moi, je me sens quand même assez flagrant. Hein. Nous, on avait Michel Dardenne. En fait, les circonstances de la vie font que... Pour le moment, je suis impuissanté. Voilà. C'est la même chose, mais le dosage supérieur. Quoi. C'est vraiment une question d'équilibre. Mais comme notre pays n'est que amour, et qu'ici, on n'en veut pas à la France au final, on va reproduire l'ambiance qu'il y avait à l'enterrement du gros Jojo, avec notre autodérision à la belge. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors qu'en vrai, quand on entend... Il est vrai que la Belgique, c'est la France empire. Hein. On a juste envie de dire... Pas de cul, bande de connards. C'est la trappe sur KIF. Allez, on sprint avec Dave maintenant, et juste après, on revient avec... Je sais pas. Avec moi. Ah oui. C'est mal foutu, hein. Mais j'ai plus de place dans ce studio, en fait. C'est-à-dire que, je vous explique, hein, on a eu une galère la semaine dernière, plus de papier, ce qui arrive dans toutes les boîtes. Ah hein. Oui. Bon, on en a recommandé une palette, je crois, de papier. Sauf qu'elle est pas arrivée. Oh, la galère. Donc là, je dois le faire sur mon ordi, sauf que j'ai nulle part où poser mon ordi. Oh là là, c'est un enfer. Tous les mercredis dès 20h, c'est genoux. C'est avec Jaboul. Dans la trappe, sur KIF. Ça va, Maëva? Oui. Elle se décompose. Non, ça va. Non, mais arrêtez, ça va. T'as un peu pris des médicaments ou quoi, que t'es stone, là? Ah bah oui, là, je suis shootée. Pour une fois que c'est légal de le dire à l'antenne. Ah oui. Quand il y avait le Covid, il y avait, tu sais, les petits trucs en plastique, là. Oh, les plexis. Ouais, les plexis. Oh, genre, on va chercher ça. Moi, j'en aurais vu un, vraiment juste là, à côté de moi, à ma gauche. Entre Maëva et moi, j'aurais mis un beau plexi. Mais bien. Vraiment un clean. Voilà. Oh, non, ça, c'est bien. Écoutez. Arrête. Merci. Pour un plexi. Ça, c'est bien, ça. Oh, c'est parfait. Voilà. Voilà. Mais c'est pas gentil. Hop là. Et en plus, celui-là, il est opaque. Protège-toi. Pour ça, je ne vois plus rien. On dirait qu'il met, tu sais, comme on était en primaire, on mettait des fardes ouvertes entre nous. Ouais. Pour pas recopier. Et tu ne triches pas, mais tu sais, tu regardes toujours par le trou de la farde, là. Le petit trou, là. J'étais le pire. Moi, ce que je faisais, pour faire tomber la farde dans le contrôle, avec mon genou, je soulevais le banc. Comme ça, la farde penchait lentement. Et ça fait comme si elle s'affaissait. Oui, je m'en rappelle. Que, voilà, bon. Et on était parfois sur le même banc. Nous deux, bah oui, on était à l'école. D'ailleurs, ensemble, on a même fait une fois, quand on perd un peu de temps, on avait même caché une fois la farde sous le bureau. Non, mais là, on trichait ouvertement. Et on sortait la farde dès que la prof se retournait, on posait la farde sur la table et on trichait, bah, vraiment. Voilà. Mais bravo. Voilà, mais c'est quoi cette. Ah non, mais franchement, si un jour on doit faire un quart d'heure pour te raconter toutes les fourberies qu'on a fait, on n'aurait jamais eu notre diplôme. Hein. C'est pas on un bel exemple un que vous donnez, enfin. Oui, bon, enfin, il y a pire. Hein, soyez correct à l'école, blablabla. Allez, on va parler de choses un peu plus sérieuses si vous voulez bien. Oui. En Italie, il y a eu un grand concours. Le record est à 130 décibels. De quoi parle-t-on? 130 décibels. Ouais, c'est quoi 130 décibels? En rapport avec le tuning? C'est beaucoup 130 décibels, mais c'est pas du tuning. On peut hurler jusqu'à 130 décibels. Ah oui, oui. Oui, ah oui, quand on t'écrase les pieds, ça fait. Le plus grand cri à 130 décibels. Voilà. Voilà. C'est à ça que je pense. C'est pas celui-là. Le petit orteil, là. Non, alors c'est pas un cri. C'est pas un cri humain? C'est une sorte de cri. C'est une sorte de. D'un animal? Non, d'un humain. Ah, donc d'un humain, ok. Une castafiore? J'aime pas une proute. Pas ça, non. Oh, pas devant. Un roux? Ah ouais, non. Bonne réponse, Maëva. Oh. On va écouter le plus gros roux du monde. Le record a été battu il y a deux semaines. Tu peux pas le remettre? Si, je vais te le remettre. C'est énorme. Mais alors, ce gars, c'est fou. La foule derrière, comme mais j'étais tellement pas prêt. Écoutez ça. Et le point est attribué. Non, mais c'est dinguele. Il s'appelle Rutosonde, il est italien. Ouais, le nom va avec et tout. Ouais. Un TikTok incroyable où il fait que ça et toute sa journée, il va dans la rue, il se met dans l'oreille d'une dame qui a rien demandé et fait. Quelle horreur. Ça ne s'arrête jamais. On rigole vraiment avec rien quand c'est dingue. Oh. Pas possible. Mais en même temps, quand on se dit que c'est le rôle le plus fort au monde à 130 décibels, on s'attend à un truc ouais. Pas beau quoi, en vraiment, longueur, un quoi, truc ouais. Gras, moche. Avec des là, grumeaux. C'est aigu. C'est vraiment, c'est subtil. On dirait une chèvre. Ah, bon. Un petit peu, ouais. Arrêtons les bêtises. Arrêtons les bêtises, on a besoin d'argent. Ah. Et en radio, quand on a besoin d'argent, on fait quoi? On appelle les fausses pubs. De la publicité, oui. Non, de la vraie publicité. Ah, la vraie pub. Oh, là, il a flingué le lancement, mais ça sort de ce studio. Mais à quoi tu sers? Allez, je coupe ton micro, voilà, c'est terminé. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Votre état de santé nécessite des soins quotidiens ou occasionnels? Vous habitez la région Mons-Borinage? N'hésitez pas. Bruno Conteneur et Fille à Braf. C'est l'expérience, l'efficacité et un service rapide avec une grande flexibilité. Vous prodigue avec douceur et compétence tout soin infirmier de qualité, tels que injections, pansements qui s'étendent de Tournai à Mons, toilettes de 8, 10, 20 ou 30 mètres cubes, prise de sang, ainsi que soins palliatifs à domicile. Le tarif locatif varie selon le volume et le type de déchets. Un sage conseil, mémorisez dans votre répertoire téléphonique paramédical le 0471 02 77 41 08 72. Bruno Conteneur et Fille, un jour ou l'autre, ils vous seront utiles. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. C'était le stagiaire cette semaine. Ouais, okay. Je pense que le vrai monsieur était en vacances. C'est quand même lui qui a écrit les textes. C'est mieux la vraie voix. Enfin, la vraie voix. Moi, je préfère le vrai. Après, il fait bien son travail, mais. Ouais. Là, t'avais un grain, enfin un accent plus. Ouais, je préfère le prononcer. Ouais. Son stagiaire, il est sympa, mais. Ouais. Non, pas pour nous, quoi, en tout pas cas. Pas pour nous. Non. Non, on va s'en passer, ouais. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Allez, retour de Joule. Et juste après, on va tester une nouvelle séquence qui s'appelle le pot de crasse. C'est comme un podcast, mais qu'avec des actions et vérités. La trappe, comme tous les mercredis, merci de nous avoir choisis. On est avec vous jusqu'à 22h et des poussières. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Au final, on a su trouver le studio. Aïe. Ça te dérange? La trappe, tous les mercredis des 20h. Avec Jadoul. Sur KIF. Nouvelle séquence qu'on inaugure maintenant. Attention, c'est très sadique. On va faire le podcast. C'est comme un podcast, donc c'est-à-dire une émission. Ouais. En fait, avec des gages et des actions, des vérités. Le principe nul en plus à ça. Est un peu tordu. C'est-à-dire qu'on a des experts, des fouines, qui s'occupent d'enregistrer les micros séparément, un à un. Découpe des petits extraits de ce que vous avez dit dans les émissions. Ok. Et après, on vous confronte à ça. C'est-à-dire que, je vais te faire un exemple. Est-ce que Kix, tu as vraiment dit dans l'émission, j'aime les histoires d'un soir? Non. Ça, j'aurais dit non. Imagine que c'était oui. Gage, tu pioches dans le pot de crasse. Ok. Quelle crasse qu'on va te faire. Simple. Tout le monde a compris? Allez, on démarre avec Maëva. Mais attends, c'est juste l'émission précédente ou c'est toutes les émissions? Je ne peux pas répondre à cette question. Oh, bon, tu prends le plus dur, hein. Le plus corsé, hein, dans les gages. Maëva, oui. Est-ce que tu as parlé d'un bout rond avec un trou au milieu? Ah ah! Un bout rond avec un. Mais c'est possible, avec. Fallait nous le dire plus tôt, à tous les coups. Alors? Oui. Au bout, parfois, c'est un rond avec une, bah oui, un trou monnaie. Hexagonal. Bonne réponse, bravo Maëva. Ouais, bien joué. Kix? Oui, je suis prêt. Est-ce que t'as dit dans l'émission donne-moi ta graine? Donne-moi ta graine. Ah, et le petit rire derrière, c'est super. J'aurais dit, allez, je vais dire oui, c'est possible. Donne-moi ta graine. Oui, tu l'as dit. Pourquoi t'as dit donne-moi ta graine? Ça, je ne sais plus. Il est fou celui-là. Donne-moi ta graine. Je l'ai dit en même temps. Attends, tais-toi, le vrai Kix, on écoute le faux Kix. Donne-moi ta graine. C'est marrant. Bah non, c'est le vrai. Il l'a vraiment dit. Oui, je l'ai dit, c'est celui qui a enregistré. Ah non, c'est vraiment des trucs qu'on a dit. C'est ça. Maëva? Oui. Est-ce que tu as dit à rien en martien? Quoi? Est-ce que tu as dit à rien en martien? Non. Attention. À rien. À rien. Écoutez cette voix incroyable. À rien. Ça venait de loin. Il est incroyable. Ce jeu est horrible. Allez, on pioche une crasse. Oh, pioche dans une, vas-y. Celle-là. Ouvre-la, il y a quoi dedans? Lis à l'antenne le dernier message que tu as reçu. Ah, j'aime bien ça, vas-y. Vous allez être déçu, c'est ma maman, je pense. Oh, que je lui ai dit ouais, que j'étais. Ah, oh, bah oui, j'ai dit j'y suis. Non, parce qu'elle m'avait. Hein. Ouais. J'y suis. Bah attends, tu vas dans les messages. Ouais. La dernière, c'est maman. Ah, oh, ils sont bien vos micros ici. Bah t'as vu ça? Ah, c'est sympa. On a un bon et j'ai dit j'y suis, elle m'a répondu ok, bonne émission. Elle est adorable. Bah oui. Isabelle. Oui. Oh, Isabelle. La maman de Maëva. Voilà, donc ton dernier message est à ta maman. Voilà. Bon, ça va. Oui ça va. Ouais, ça aurait fait un truc un peu cochon. Kix. Oui. Est-ce que t'as dit Maëva? Ah. Bah, je suis tellement con que c'est possible, oui. Tu dis oui? Ah, je dis oui. On écoute. Maëva. Ah. C'est pas moi, Léa. Non, c'est pas elle. Moi. Ouais. C'est elle. Ah, mais ça, c'est un combo gagnant. Ouais. On le réécoute. Maëva. Ah. Mais pourquoi j'ai fait ce bruit-là, moi? C'est pas. C'est ça qui est fourbe. Quand on isole les micros, on a des petits sons comme ça qui sont horribles. Mon Dieu. Bravo. Il doit pas piocher. Mais est-ce qu'il doit piocher? Ah, tu pioches. Bah non, j'ai dit oui, que je l'avais dit. Mais tu l'as pas dit. Au final, c'est le montage pour le rire qu'il l'a fait. Mais... Ah, t'as fait des montages. Ah, mais t'as bien entendu que le A, c'était moi. Mais attends, elle est en train d'inventer des règles. Là. Bon, ok, allez, vas-y, je pioche. Allez, pioche, vas-y. Vas-y. De toute façon, pas compris les règles. À chaque fois, on fait des jeux, on invente nous-mêmes. Allez, ouvre. Y a quoi dedans? Faire le chant du coq. Oh, bah oui, facile, on t'écoute. Mais non, le chant du matin, du coq. Ah merde, mais comment il fait? Corico, j'ai pas de coq, pas de chez moi. Oh là là, ça s'entend. Cocorico. Cocorico! Ok, c'est bon, t'as gagné. Waouh! On s'en fout! Oui, ça va. On peut s'en faire un dernier? Oui. Oui. Cette séquence ne va jamais revenir. Si! Ben non, enfin, je sais pas. Maëva? Oui. As-tu imité le cri d'Afida Turner? C'est possible, Étienne. Je vous rappelle que le cri d'Afida Turner, c'est. Waouh! Ouais, c'est possible. Tu dis oui? On écoute la réponse. Ouais, bon. On compare, attention, Afida. Maëva. Ouais, encore un peu d'entraînement, hein, quand même. Dans quelques années, avec un peu de botte. Allez. Kix. Oui. Est-ce que tu as dit. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote, abaisse ta culotte. Non. Ça me dit rien. Bonne réponse. Yes. Maëva. Oh. Alors, en fait, c'est pas tout affiché sur mon écran. J'ai le choix entre deux, je prends lequel? Le deuxième, vas-y. Mange des tournevis. Est-ce que t'as dit mange des tournevis? Non, alors oui. Oui, j'ai. Non. En fait, j'ai dit mange des tournevis. Je voulais pas faire celui-là, on l'écoute. Mais vous avez compris, On l'écoute, on l'écoute. Pourquoi les tournevis? Bon, c'est pas tous, mais certains mangent des tournevis. Certains mangent des tournevis. Mange, je voulais dire mange. Pour faire son rail de coke, est-ce que tu l'as dit? Oui. Pour faire son rail de coke. Bravo. Eh ben, belle influence ici, hein. Bravo. Et est-ce que un jour tu as complètement buggé? Bah oui. Oui. Mais elle était en pente, hein. Donc, bah, on a le mouton. On a la chèvre, le mouton, le coq. C'était un jeu avec un chrono, forcément. Kix. Oui. On est tout foufou? C'est possible. On est tout foufou. Bonne réponse. Bon bah ça va, vous avez été fort. Bravo. Au final, on remet ça, gage. On va refaire ça la semaine prochaine. On s'est bien amusé. Ouais, c'était Jadoul, dès 20h sur KIF. Ah, oh, ces trucs qui viennent de nulle part, j'adore moi. Ah. Ils sont géniaux. J'adore ton cri, Maëva. Hein. Maëva. Ah. Le classique, la fouine. Pour terminer votre journée de ce mercredi. L'actu connecté et les dernières tendances. Bien sûr. Et là, elle arrive avec sa boîte de Dafalgan. Mehdi. Elle roule une pelle à Kix. Elle s'assoit à sa place. Pourquoi je fais ça? Et c'est parti pour la séquence qui s'appelle Maëva, nous en dire plus. Ah, c'est bien la reverb. Attends, on va le refaire, attends. Maëva, nous en dire plus. Plus. Maëva, on parle de quoi cette semaine? Mais d'aujourd'hui, c'est le 27 septembre. Et donc, mais oui, c'est le principe en fait. Oui, le calendrier. Donc aujourd'hui, c'est le 27 septembre. Et ça va, ça fait deux semaines qu'on a repris. Hein. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, il s'est rien passé de très très intéressant. À part qu'une femme a trouvé un œuf géant de 184 grammes pondu par une poule en Gironde. Voilà, c'est l'actu du jour. C'est d'accord. Pas très intéressant. Eh ben, on va faire une belle omelette. Hein. Par contre, les autres années, peut-être qu'il s'est passé un truc cool le 27 septembre. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer l'œuf, le 27 septembre? Redis-moi le poids de l'œuf. 184 grammes. Ça va faire une belle omelette. Quelle belle blague. Oh yeah. Allez, on y va. Il s'est passé quoi mais à cette date? Alors déjà, aujourd'hui, il y a une fête. Vous savez, c'est quoi la fête? Le 27 septembre. Aujourd'hui. Oh, ça me dit quelque chose. Le coq rouge. Wallonie, il y a un truc avec la Wallonie. On fait des. Non, non, juste la Wallonie. C'est la fête de la région wallonne? Non. De la société wallonne des eaux? Non. Du bar le Wallo? Non, je veux dire la réponse. C'est la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bah j'ai dit la Fédé. Oui, oui, bah oui. À deux, c'est bon, non? Ouais. On a une bonne réponse. Mais c'était pas ça le quiz. Mais je pensais que celle-là c'était facile. Mais bon, du coup, on a quand même une bonne réponse. Allez, bonne réponse. Donc, si vous n'êtes plus à l'école ou si vous travaillez pas dans l'administration, ça change pas grand-chose à vos vies. On est bien d'accord. Mais la fête de la Wallonie, la fête de la fédération, pardon, Wallonie-Bruxelles, on la fête depuis quand? A 1975, B 1830 ou C 1984? Non, mais attends, c'est. Mais oui. J'ai décidé de remonter un peu. Bonjour à tous. Le niveau. Bienvenue dans Qui veut gagner? Maëva. Tout de suite, jouons avec la première question. La question vous est posée par mon assistante. Assistante, pose la question. Depuis quand fête-t-on la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Réponse A. 1975. Réponse B. 1830. Réponse C. 1984. Le suspense est à son comble. Ça me permet de pas jouer, de faire ce personnage. Bon, je refais la technique des examens. La première, c'était quoi, t'avais dit? Je sais pas, mais il faut se dépêcher, me dit-on en régie. Je dirais la A, et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le suspense est à son comble. Maëva perd ses cheveux. Kix bave avec beaucoup de salive. La réponse est-elle bonne? Réponse dans cette image! Oui! Ah, merci beaucoup. Je pense pas que Jean-Pierre il s'est énervé comme ça un jour. Il aurait fait un apartus. Du coup, c'est la bonne réponse. Bah, c'est vous bien voyez ça, 1975. Bravo, bravo. Mais c'est dû à un événement qui a eu lieu en 1830, donc quand il y a eu l'indépendance de la Belgique. Ouais. D'ailleurs, les 50 premières années, la fête nationale était le 27 septembre 1830. Et on a changé en 1975. On s'est dit, il faut trouver une date pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a repris cette date symbolique. Eh ben, Maëva nous en dire plus, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'était un petit peu de culture, ça fait pas de mal pour le pays. Merci beaucoup. Et c'est 20h. Pardon. Mais il y en a une deuxième. Oh, pardon. Pardon, je mérite d'aller en enfer. Oui. Je décide. Surtout que le texte est sur le document, on regarde un petit peu. T'as vu mon studio? Oui, non. Est-ce pardon. Que j'ai de la place d'avoir des feuilles, moi? Non. Bon, alors, merci. Bon, du coup, aujourd'hui aussi, on fête l'existence du moteur de recherche Google. Ah oui, alors t'as peut-être la réponse. Ça a été donc lancé un 27 septembre, mais en fait, c'est combien d'années d'existence? 25. Mais réponse A, 20. Réponse B, 25. Réponse C, 30. Bravo. Franchement, bravo. Là, j'applaudis. Hein. Je dirais 25. 25. Bon, bah, je vais suivre mon acolyte. Mon acolyte. L'alcoolique. Oh, c'est bon! C'est bien ça. Oh, merci, Maëvat. Voilà. Du et pour coup... ça, je vous donne des petits tips du fameux moteur de recherche hyper connu et super drôle, qui a l'habitude de mettre des petits easter eggs, donc des petits détails cachés. Par exemple, si vous avez besoin d'un dé, vous n'avez qu'à taper lancer le dé, et vous avez un dé qui roule, et vous pouvez le faire de manière aléatoire. Si vous tapez Pac-Man dans le moteur de recherche Google, ben vous avez le jeu emblématique qui se met en route avec la musique et vous pouvez jouer autour du logo Google. Lancez iPhone. Non, mais non, mais non, enfin, idiot. Va. Il faut le taper dans Google. Enfin, je sais pas si c'est... Oh, non, ne tape pas. Ça va faire beaucoup de dégâts. Et si vous êtes toujours demandé quel était le cri du fourmilier ou de l'alpaga, il faut... Ah, je peux le faire. Il faut taper cri des animaux. Et il y a tous les cris des animaux, c'est marrant pour vous jouer avec des enfants et tout. Oh, c'est et il y en a plein comme ça, vous en avez pas d'autres, non? Mais ça, pour les professeurs ou quoi, ça peut ça être fait cool. Quel cri un lama? Ben tu vas voir, c'est... Ah, ça fait... Tu veux que j'aille voir? Je sais pas s'il y avait lama, moi il y avait alpaga dans... Alpaga, ah oui alpaga. Alors, c'est beau en plus à voir, c'est un je bel animal. Je tape cri du lama dans Google. Ça me paraît extrêmement suspect. Des témoins qui ont vu la voiture m'ont dit qu'elle n'était même pas écrasée. Merci. Merci Maëva. Oh. Quelle horreur. Quoi? Attends, là tu nous fais écouter? Attends, mets bien le micro contre le truc. Ça marchera pas. Vas-y, fais-nous écouter. Non, t'as rien du tout. Là. Merci, non, bonsoir. Viens près de mon micro. Attends. Vas-y, mon micro est un peu plus sensible. Je sais même pas où est mon bruit. Enfin, où est-ce que je dois. Je dois pousser sur l'animal? Oui, appuie sur l'alpaga. Allez, j'y vais, attends, hop là. Quelle horreur. Hop là, attends. Okay, c'est la bonne la séquence de cette émission. Peut-être vaut mieux que vous alliez voir vous-même. Ouais, c'était. Quasi vous-même, ouais. 20h, c'est la trappe sur KIF. Je suis emmêlé dans mes cas. C'est une fin de soirée chez Maëva, ça ou quoi? Oh, quelle horreur. Dans un instant, on va avoir l'interview brute. C'est une interview du média brut, mais si vous êtes pas drôle, eh ben, vous vous faites brutaliser. Et comme nous, on aime bien faire des changements d'ambiance assez brutales. Je ne trouve que du bon, même chez des pieds des cons. Urban Music Non-Stop, c'est bien. Heureusement qu'on est là. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. On fait notre interview brutale. Monsieur Brut, ça vous grandit. Nous prenons une interview du média brut, nous la retournons, enfin du moins on garde les réponses et on fait des questions qui sont censées être plus drôles. Cette semaine, laissez-moi prendre mon ordinateur, j'en ai une tonne. C'est Vincent Lindon. Je comprends pas. Vincent Lindon. Apple sort des ordinateurs chaque année. Et ils sont de plus en plus lourds. Non, parce que tu prends pas les R. Alors pèse-moi cet ordi. Voilà, ne me le fous pas par terre quand tu l'as en main. Ah là là, la richesse du patron. C'est lourd. Mais hein, c'est super méga lourd. Bah bien sûr, bah voilà, bienvenue dans ma vie. Mais faut prendre le MacBook Air. Ouais, mais moi j'ai besoin d'un truc de pro, tu vois. T'as qu'à prendre un bloc de feuilles. Hein. J'ai des trucs à faire, moi. Excusez-moi. Excusez-moi. On va avoir Vincent Lindon pour cette interview. Acteur et scénariste français qui a remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur acteur au César, au Festival de Cannes et au IFFI. IFFI, oui. IFFI. C'est un festival indien. Ah ouais, ouais. Ah, c'est pas mal. C'est incroyable. Merci Vincent. Vincent, t'as pas peur de nous, il y a juste Maëva qui est un petit peu malade. Tu vas partir à 10 mètres derrière. Ouais, bah, c'est pas grave ça. Hein. Vous êtes au courant? Oui, oui, on est au courant que c'est vous. Donc on va prendre, voilà, on fait des questions et tout. Vous êtes prêts? Oui, oui. Maëva. Ce que Jadoul m'a dit quand je suis arrivée avec mes bégaiements, mes du coup, mes bugs et mes tics du langage. On va essayer d'enlever tout ça. C'est vrai, et t'as fait beaucoup de progrès depuis que t'es arrivée. Oh. Ça va bientôt faire un an que tu es dans l'émission. C'est gentil. Ah, t'as vu ça? Kix. C'est à peu près la même chose, mais c'est pas avec toi. Première chose que dit Rocco Siffredi quand il reçoit des invités. On va essayer d'enlever tout ça. Hein? Bah oui, Rocco Siffredi, c'est un acteur de film X, et donc du coup, on va essayer d'enlever tout ça. Ah, les vêtements! C'est ça. Okay, ouais. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'il a commencé en disant que c'était un peu comme moi, alors que ça n'a rien Kix, à voir. Kix, Kix, Kix, Kix. Hop là. On y va, deuxième question, Maëva. Quand j'ai rencontré Kix et Jadoul pour la première fois en vrai. Un choc. Oh, c'est pas gentil. Bah, peut-être positif. Ouais, c'est auto-centré. Kix, vas-y. Voir Zaz après une douche. Un choc. Oh, c'est drôle ça, Maëva. Mais. Et encore un. Parce que c'est sur nous. Mais c'est vrai, quand tu rencontres. Ah, vous connaissez que de la voix. Et en vrai, je. Peut-être tu sais pas à quoi vous ressemblez les personnes. C'est... Enfin... Et pourquoi un choc? Vas-y, explique-nous. Ok. Question numéro 3. Très gentiment. Allez, question numéro 3, on y va, Maëva. Pourquoi j'ai pris Dobby comme chien qui ressemble plus à un rat qu'à un chien? Je me suis dit, ça, il n'est pas question que quelqu'un d'autre l'ait. C'est un service que t'as rendu à la communauté en prenant ce moche chien. Me dis. Non mais il faut qu'on parle de son chien de minute. Oh, oui, il est trop mignon. Dobby, oui, enfin. Pendant l'écriture des textes ce matin, s'est allongé sur l'ordi de Maëva, ce qui nous a rajouté 200 pages de texte. On s'est retrouvé avec 250 pages de texte dans l'émission. Mais alors, avec des caractères russes. Mais... Des caractères ni vus ni connus, que je sais pas d'où ça vient dans l'alphabet. Il est pas doué en dactylo. Ah bah non, ça on a vu. Kix, troisième question. Alors, ma défaite à ce jeu. Je me suis dit, ça, il n'est pas question que quelqu'un d'autre l'ait. Voilà. Bien vu. Allez hop là, t'as remporté ces cadeaux. C'est avec un grand plaisir qu'on t'offre tout ça. Oula, 53 qu'il est. Oui, on est en retard. Il avance, nous. On va attendre. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Attends, on a quoi encore à faire? Je regarde, hein. Je fais oui, tout. Vas-y. Hein. Il faut vraiment qu'on m'installe une table en plus dans ce studio. Ok, on va encore jouer avec Kix. Le scroll d'avance, c'est intéressant ou pas? Sinon. Hop. Mais oui, c'est les sorties du mois d'octobre. Ouh, ça va prendre du temps, ça. Oui. On va faire ça en P2 alors. D'accord? On va faire ça dans la deuxième heure et on va d'abord jouer au jeu de Kix. Jadoul, dès 20h sur KIF. Non, mais en équilibre, sinon après on fait partir la deuxième heure à 3h plus tard, là ça va pas. Bienvenue. On est en direct avec vous. Ça va bien se passer. On va faire en sorte que tout rentre dans cette émission. Je sais pas comment on va le faire, mais c'est notre grande force. Bienvenue. On est en direct. Faire un truc à la con quand même. Ah oui, là, c'est pas très bien ça. Et ça fait saliver. Hein. Distribuer les bonbons maintenant, c'est pas cool. On vient de saigner un paquet de bonbons. Le bave. C'était pas le truc à faire maintenant. Bon, on va se rattraper. On a 37 secondes de jingle d'explication parce que Kix, il sait pas le dire même sans bonbon. Alors, on a fait dire les règles du jeu par une voix off. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du festival. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Oh yeah. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre, une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festime, à table festime. Bon alors les amis, vous êtes prêts à jouer? Oui. Vous êtes prêts à gagner? J'ai mangé tout mon bonbon. Ouais, bah c'est horrible, ça colle aux dents. J'en ai encore sous les dents moi. Le mec a un dentier qui ça c'est des fausses alors ouais. Bon, allez on commence avec la première personnalité et premier extrait. Elle a le sommeil assez lourd en général. Donc on va mettre l'hermostasis. Michael Youn. J'allais le dire, elle a été plus vite que moi. C'est une bonne réponse, Michael effectivement. Youn, c'est bien. Michael Youn. Bien joué. Bah voilà, ça Michael. Déjà. Michael Youn. Michael. Michael Youn. Mais j'ai pas dit Michael cette fois-ci. En plus, je me suis on dit. On va réécouter. Il a dit Michael. On réécoutera, Michael. Ouais, on réécoutera la prochaine. Maëva. J'ai pas écouté. Bah voilà, merci. Je suis pas là, moi. Bon, allez, alors deuxième personnalité. Premier extrait. Maëva, réveille-toi. Il y a une ambiance, hein. Il y a une ambiance. J'adore cette musique en plus. Encore sûr que c'est un truc à la con. Hein. Arrêtez de danser tous dans ce studio là. Jouez hein, dans la voiture avec nous hein, parce que là. On... Mais ne soufflez pas les réponses s'il vous plaît. Ou alors criez-les très fort. Hein, si vous êtes sur le rond-point de mes airs. Ouais, il faut ouvrir la fenêtre hein, à ce moment-là. Bon, pas d'idée. Ah non, j'ai pas d'idée. Ce que je peux laisser. Hein. Non, ça non mais c'est bon. Vas-y. Ah, bon. Ok, deuxième extrait. Vas-y. C'est une compile de son pourri. Non, ça fait partie c'est du un dessin animé. Bah non. Ça fait partie non, ça des personnalités. Je vous aide un petit peu. Ça fait partie d'un film. Donc c'est un personnage très connu. Oui, donc ça pourrait être un dessin animé, ce que je dis. Ça pourrait être un dessin allez, animé. Troisième, allez, troisième extrait, mais il faut trouver maintenant. Oui, Jadoul. Alors j'ai vraiment pas reconnu. Ok, mais mince. Je l'ai fait par une déduction que personne en tant qu'auditeur aurait pu le faire, mais comme je vois qu'on sèche tous. On sèche tous. Touche. Silence. On réécoutera. Non. Ah si, ça rend bien. J'irai Bruce Lee parce que je sais que t'en as beaucoup regardé. Et bah, c'est une bonne réponse, c'est bien Bruce Lee. Ah. Bien joué. Merci. Bon, allez, troisième personnalité, premier extrait. Si vous aviez un choix à faire entre une carrière de juriste, de journaliste, d'économiste, ou celle que vous avez connue? C'est celle que j'ai connue. Oh, c'est un rappeur. Parce que celle que j'ai connue m'a apporté un plus, m'a fait vivre des expériences que ni un juriste, mais c'est un rappeur qu'on joue, ni un docteur, ni un professeur ne peut vivre. J'ai parcouru le monde entier pour partager la culture. Premier Garou culture, n'est pas Garou. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est pas. Hop là, il est là le mien. Du coup, une réponse, oui? J'irai Magic System. Eh ben, c'est une bonne réponse, c'était bien Magic System. Wow. Magic j'ai juste reconnu System, au grain de voix. Hein. Vous vous rendez compte? Premier Garou n'est pas. C'était Traoré Salif. Le chanteur de Magic System. Ah oui, voilà. Ça j'aurais pas pu te le sortir. Bien trouvé. Bah, franchement, bravo. Wow. C'est une belle victoire. C'est une belle et c'est victoire. C'est moi qui gagne? Et c'est toi qui gagne. C'est dommage, t'as loupé la version. Ah ben c'est Jadoul sur KIF. Non, mais parlons sur les jingles. Mais vas-y, mais tu, attends, mais... j'ai même pas eu le temps de terminer mon truc. Redis. T'as loupé une belle musique sur les. Allez, sur la pétanque, mais bon, voilà. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Ah bah ça valait la peine ça. Redis-le, tiens. Non, c'est bon, je ne dis plus rien. J'ai loupé quoi? Une belle musique sur la pétanque. Oh bah ça dit, on fait toute la musique comme ça. Il y a moyen, voici Erastar. Juste après la deuxième heure, démarre. On va le faire. Ouais. La petite musique de la pétanque. Ouais. de Erasta. Non, c'est fini. On s'invite à la pétanque, pas très loin des calanques. C'est sérieux ça? Bah oui. C'est l'été. On va faire pumpkins et on va les envoyer. Ouf. Et les faire patiner. Non, non, bah, mais bah, moi, je propose mieux, moi. Ouais. Tu proposes quoi? Je propose qu'on commence la deuxième heure. Oh oui. Les 20h, c'est la trappe. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Ok, let's go. Let's go. Tous les mercredis dès 20h, c'est Jadoul sur KF. Bienvenue, deuxième heure d'émission. Qu'est-ce qu'il y a, Guy? Je te vois faire des trucs comme ça, des grands gestes là. Non, rien, poursuis. Je m'intéresse à l'émission. Vous êtes nouveau pas au courant de ce qu'on allait faire? Non. Voilà, bon, bah, c'est une belle émission, cela dit. C'est sympa votre truc, je peux participer. Vous allez faire quoi? Ah, énorme. Je vous propose qu'on retrouve Radio Falminoul d'ici quelques minutes. On aura également le tribunal des stars. Ils vont juger l'actualité de ces 7 derniers jours. Mais avant ça, voici le scroll d'avance. Oui. C'est ça le nom de la séquence. C'est le ça. Scroll d'avance vous permet toujours d'être précurseur, d'avoir les infos avant tout le monde, ne pas vous taper des sites à rallonge avec des pubs partout pour savoir des infos. C'est-à-dire que là, vous allez être au courant de toutes les sorties qu'il y aura prochainement sur les plateformes et au cinéma. C'est ça, les sorties du mois d'octobre. Donc, t'as vu. Ouais, ça c'est voilà, c'est spécial vu que c'est le dernier jour, la dernière émission du mois. On fait les sorties du mois d'après. Comme ça, on est armé déjà pour le mois prochain. Exactement. Le mois d'octobre. Voilà. Donc on commence avec le cinéma. Il y a du gros film qui arrive en octobre avec le nouveau film de Martin Scorsese, donc grand réalisateur connu pour Le Loup de Wall Street, Shutter Island, etc. Et pour ce nouveau film, il s'est fait plaisir. Il reprend ses acteurs fétiches, donc il y a Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Le film sort le 18 octobre 2023. Il s'appelle Killer of the Flower Moon. C'est une adaptation du roman de David Gran qui raconte des meurtres répétés sur plusieurs membres de la tribu indienne Osage aux États-Unis au début du 20e siècle. Oh, voilà. Pour moi, mais c'est un Martin Scorsese, faut toujours réfléchir. C'est pas. Martin Scorsese pour aller le voir au cinéma. Il a 92 ans. Imagine 80 ans. 80 ans. Enchaîne, Maëva, ça me désole. Le 25 octobre sortira le nouveau film de la bande à Fifi. Donc, il s'appelle. Ah, Philippe Lachaud. Ouais, c'est ça, 3 jours max. Donc, c'est l'histoire d'un policier maladroit joué par Tarek Boudali qui a 3 jours pour sauver sa grand-mère d'un cartel mexicain. Voilà. Mais tu sens le niveau du film juste avec le speech, mais ça peut être très comique, donc pourquoi pas. Ouais. Je peux pas faire les sorties du mois d'octobre sans vous présenter des films d'horreur, bien sûr. Il y a L'Exorciste Dévotion de David Gordon Green qui sort le 11 octobre 2023. Pour le film des sagas de films d'horreur cultes comme moi, David Gordon Green, c'est celui qui a refait les Halloween récemment. Les dernières années, il y a eu des nouvelles versions des Halloween. Ah oui, c'était bien en plus. C'était, ouais, ils étaient vachement bien. Ouais. Et ben maintenant, il s'attaque à L'Exorciste et donc il recommence à faire les Exorcistes. Classe. Et ça fait des années qu'on n'en avait plus eu, mais on va avoir un nouveau film Saw. Je sais pas, c'est une ambiance un peu qui fait peur. Alors pour tout vous dire, on a l'impression qu'il faisait un énorme ro dans le... Oui. Écoutez ça. Donc dans une jungle, je sais pas, bref. Ah ouais, non, ça, c'était pas du tout flippant. Bah voilà, merci. Si je peux aider avec des musiques, moi. Ou non, non là, je plutôt pas. Okay, d'accord. Donc je disais, un nouveau film Saw qui va sortir, ça fait des années qu'on en a plus. Moi j'adore, ça me régale. Pas vous? Non, ok. Bah écoute, Saw, j'ai jamais vu... Enfin si, je crois que j'ai vu une seule fois. Le 6, c'est bien. Le 6. Voilà. Moi je préfère les saucettes. Ouais, bah voilà. Et ben là, ce sera le Saw 10, donc on va retrouver John Kramer, notre psychopathe préféré, faire des pièges hyper gore pour se venger de ceux qui ont voulu l'arnaquer. Ça sort le 25 octobre. On a fini avec le ciné. On passe à Netflix. Allez. Lupin saison 3. Alors, je suis pas. Vous étiez au courant, vous? J'ai décroché. Parce que pour moi, en fait, la dernière épisode, c'était final, on bouclait, terminé. Pour moi, c'était Lupin rassis. Après, y a... Non, mais j'ai décroché. Voilà. Moi, j'ai suivi un petit peu, puis j'en ai eu un peu marre. Ouais, non. Et j'ai jamais repris, je me suis dit, oh, ouais, juste, il y avait Omar Sy, donc j'ai pas regardé. Ah ouais, t'aimes pas Omar Sy? Je suis pas fan, moi j'étais fan du service après-vente, mais l'acteur Omar Sy, après Intouchable. Ok. Pas fan. Bah, moi j'avais kiffé, mais je te dis, le dernier épisode pour moi c'était la fin, mais pas du tout. Et il paraît qu'on le sait depuis longtemps qu'il y aura une saison 3. Parce que dans la bande-annonce de la saison 2, on voyait sur un morceau de papier écrit hassandiop.com. Et les enquêteurs de Netflix sont allés voir. Et ça amenait sur un lien qui disait Hassan a toujours une longueur d'avance, lui pas reviendra bien pour une partie 3. Waouh! J'avais pas vu le petit mot. Donc voilà. Donc c'est le 5 octobre. Pour rester dans le thème du mois d'octobre, il y a une série d'horreur qui va sortir le 2 octobre sur Netflix. Netflix. Ça s'appelle La chute de la maison d'Usher. Ah bah le chanteur, voilà. Ah ouais, non, ouais. Rien à voir, c'est pas celui-là. Rien à voir avec le chanteur. C'est une adaptation de l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Et c'est fait par Mike Flanagan. C'est lui qui nous avait déjà proposé des séries d'horreur superbes comme The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Je sais pas si vous aviez vu. Pas du tout. Ça faisait très peur. C'était très très bien fait. J'avais kiffé. Donc j'ai hâte de voir cette nouvelle série. Wow. Et pour terminer sur Netflix, la saison 7 d'Elite. Donc voilà. Elite, on ne présente plus la saison 7. Elite, vite fait. C'est des ados dans qui font. Non, c'est plus une. Oui, ils font des choses très osées entre eux et. Ah, il y a des meurtres. Ça. Ouais. Et des meurtres. Gazou. C'est un peu. Et alors, petite spécialité, sortie à Bruxelles, parce que je me suis dit pourquoi pas. À partir du 20 octobre 2023, il y aura le labyrinthe de Tim Burton à Tour et Taxi. Ah et oui. Ça a l'air d'une expo vraiment sympa pour ceux qui sont fans de l'univers de Charlie à la chocolaterie, Édouard aux mains d'argent, Étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, c'est une expo. Si c'est la même, ouais, je pense que c'est la même qui était à Paris il y a pas longtemps. C'est ça, c'est la même. Elle arrive à Bruxelles le 20 octobre 2023. J'irai la voir une fois. À ne pas confondre. Imaginez l'exposition que tu viens de me dire dans la série Elite. Ah ouais. Non, pas du tout. C'est la trappe. Merci beaucoup Maëva. Avec plaisir. Il n'y en avait plus, hein, tu me rassures. Non, il n'y en avait plus. Parce que des fois, j'ai tendance à enchaîner trop vite. Bon, ouais, mais voilà, non. Bon, là, voilà. Le tribunal des stars arrive dans un instant. Ils vont débriefer l'actualité de ces 7 derniers jours. Ça arrive juste après Nino. Oh là là, ça me saoule. J'ai le truc sur les genoux, là. Ça va être encore très sympa, le tribunal des stars. J'ai mon ordi sur les genoux, je sais pas comment je vais faire cette séquence. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah. Jadoul, dès 20h sur KIF. Et oui, on va faire maintenant le tribunal des stars. Alors pour ceux qui connaissent pas le tribunal des stars, ce sont les actus qui ont fait les journaux de ces 7 derniers jours que vous avez peut-être loupé. Eh bien je vous rassure, nous on vous a tout résumé et c'est justement ce qui va animer maintenant les vedettes qui vont réagir aux infos que je vais vous dire maintenant. On démarre, première info. Pendant les vacances... vous avez vu ma position? Ouais, c'est quand même. On dirait que t'es sur un transat. Et je tiens le micro à la main comme si j'étais Michel Drucker, quoi. T'as pas un peu de scotch pour le faire tenir bien à ton niveau là? Parce que tu dois tirer sur le micro. T'as bouge mon écran. Mais genre, t'as 4 écrans, il y en a pas un qui pourrait. Non. Mais non. Si on a refait de foraine. Tu veux la vérité? Dis-moi. Il manque 2 écrans. Ah. On a dû trouver Que dis-je? T'as pas 6. Attends, 1, 2, 3. 6 écrans plus ton PC portable et il y a aucun des 6 que tu pourrais mettre ton texte. Non, je te dis, il en manque 2. Donc ici en studio il y a 6 écrans mais il n'y en a pas assez, d'accord. Oui, mais c'est le problème, c'est techniquement un problème. N'en parlons pas. C'est vrai, tribunal des stars. Pendant ses vacances dans le nord de la Sardaigne en Italie, un touriste suisse et son mari ont décidé de sauver la vie d'un homard. Alors qu'il se trouvait dans l'aquarium d'un prestigieux restaurant, le homard a su attirer l'attention du couple et a fini par être libéré, remis à la mer. Bon, cette libération leur a quand même coûté 200 €. Par chance, nous avons retrouvé la piste audio de cet entretien entre le homard en question et le patron du restaurant. Il faut une signature pour dire que je me suis présenté à l'embauche, que malheureusement, malgré les qualités évidentes, enfin bref, vous mettez votre baratin habituel, comme quoi vous n'êtes pas intéressé. C'est même pas. C'est juste parce qu'il s'appelle Omar Sy, on est oui, d'accord. Oui, oui, oui. Bravo, ça c'est. Attendez, 200 € pour un langoustine? Mais Jacqueline, t'es fou dans ta tête! J'aurais pu m'acheter des parfums Gucci à ce prix! Merci, monsieur l'Allemand. Avec plaisir! Je vous avais pas prévu dans cette émission, vraiment. Oui, bon. Benjamin Crust, c'est comme ça! Ça fait plaisir. Deuxième info, au petit matin à Saint-Bernard, c'est dans le Haut-Rhin en France, un poney a involontairement plongé dans une piscine. Ah, c'est con. Un poney, ça sait pas nager, je vous le rappelle. Alors, c'est un bête accident qui a déclenché une opération de secours impliquant les pompiers, des experts animaliers et des plongeurs. Alors, selon une source privée, Eric Judor faisait partie de l'opération de sauvetage. Waouh ! Tout le monde se calme ! un police Python 357 Magnum. Avec ça, mon pote, je te fais un trou dans le buffet. Tu fais trois fois le tour de ton slip, direction Pékin. Chut. Ah oui, heureusement pour le bonnet, il a réussi à s'extraire dans la piscine tout seul en empruntant les escaliers. Ce qui n'a pas laissé, évidemment, indifférent Eric. Petit poney. Petit poney. J'adore. Ça, ça va. Quoi? Allô, t'es... Petit poney. Arrête. Petit poney. Attention, opération spéciale. Nom de l'opération. Je peux pas, j'ai un gros poney. T'inquiète, petit poney. Tu finiras dans la lasagne des Fandus. Viens plutôt avec moi dans ma camionnette, tu seras mieux. Arrêtez, monsieur l'Allemand, c'est vraiment plus possible. Mais c'est qui, lui? Je sais pas, il débarque de nulle part. Troisième et dernière info, on y va. Au Japon, un combat de catch peu ordinaire s'est déroulé à bord d'un train à grande vitesse organisé par la Ligue japonaise. DDT Pro Wrestling. J'arrive pas à prononcer ces trucs-là, donc on les fait dire par un robot, hein, comme ça c'est plus simple. La fainéantise. Le spectacle mettant en vedette... Minoru Suzuki. Et... Sanshiro Takagi. Deux stars du catch. C'est pas facile à prononcer, hein, toutes ces conneries. C'est pas évident. Bah non, franchement, je trouve ça compliqué. Les deux stars du catch. Hein. Les 75 passagers munis de billets spéciaux ont pu assister à ce duel pendant leur voyage entre Tokyo et Nagoya, voyageant à 300 km/h. Voici comment tout a commencé. Je pense. Qu'est-ce qu'il dit, Pocahontas? Pas de douceur, Pocahontas? You know who am I? You know who am I? I'm very bad guy. I'm fou. I'm very fou. La dernière fois qu'on m'a parlé comme ça, the dernière fois on talking like this, the guy's dead. Ça a fini dans un bain de sang. C'est finish in the bloodbath. Il parle comme moi. À 300 km/h, t'as pas autre chose à faire que de taper la tête de ton ami. Tu vas la déformer. Il va ressembler à un Ferrero Rocher après. Et t'as 75 personnes qui payent pour voir un Ferrero Rocher. Les gens sont fous. Mais c'est quoi ces tarés? Non mais c'est bon, l'Allemand, restez chez vous, on a plus besoin. Non mais ça me rend dingue. C'est la trappe. On n'a pas besoin de vous. Un petit milkshake maintenant. Bienvenue. Il faut qu'on vous dise ce qui arrive quand même dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Il y aura la séquence de Maëva. Mais laquelle? Tellement on en a. Bah, c'est une bonne chose. C'est la séquence du fallait nous le dire plus tôt. Et quelle est la devinette de cette semaine? Eh bien, je vais vous parler de Maître Ruban. Les maîtres qui se déroulent là, comme les papas ils ont pour ouais. Dans la boîte d'outils. Pour la couture et tout ça. Le maître ruban du papa, pas celui de la couturière. Ah. C'est ça, celui de papa. Ah, celui de papa, le ruban okay. De papa. Ok. Donc il y a une petite pièce métallique au bout qui forme un petit angle droit et il y a un petit trou et l'extrémité est dentelée. Pourquoi? Ça sert à quoi? L'extrémité est dentelée. Et il y a un petit trou. Faut-il laver les dents? De quoi tu parles, toi? Bah, c'est dentelé, faut-il lui laver les dents? Oh là là. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet. Mais j'ai tapé le jeune. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Nous sommes mercredi, il est passé 21h, l'heure de passer l'antenne, 3 minutes à Radio Famignoul. Bonjour madame. Bonjour, vous... ça c'est de la réverbe. On n'avait pas prévu ça mon Guy, hein. Normalement c'est pas de la réverbe, un c'est deux. Bien la preuve qu'on est en direct. Madame, peux-tu expliquer ce que c'est Radio Famignoul sur le temps que nous... Qu'on sort de l'église. Les bons réglages, parce que là on est à l'église là. Oui, alors Radio Famignoul, c'est une radio, comment la définir, locale, on va dire. 1, 2. À qui on prête l'antenne pour qu'ils puissent avoir des fonds pour continuer à exister. René et Guy sont des professionnels. Continuez à parler, madame, continuez. Oui. Nous, on est prêts maintenant. Allez-y, les gars. Allez, on démarre, bienvenue. Et c'est la 97.8 que vous écoutez. Pardon. Guy, parle un pneu, je dois me boucher. Bah, pourquoi tu veux te boucher? Me boucher. Oh, mais non! Oh, mais René, mais tu m'en as mis plein sur les carreaux, hein, je vois plus rien maintenant, c'est dégueulasse! Oui, eh bien, j'aimerais bien t'y voir, moi, faire de la radio en étant balade. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée de faire de la radio en balade. C'est vrai. Guy, tu commences à me courir sur le haricot, à ne pas me comprendre, là. dernière fois que je me répète. J'aimerais bien te voir, moi, en faisant de la radio en étant malade. Ouais, mais essaye de ne pas retirer ta main au moment d'éternuer, mon vieux. C'est tout ce que je te demande, moi. Hein. Bon, j'en étais où, moi? Parce qu'on a quand même une émission. Oh, et puis zut, Guy, occupe-toi des dédicaces, comme ça c'est fait. Alors, bon. Nous avons Fabienne qui nous remet le bonjour. Qui nous remet le bonjour. Tu dois c'est répondre bien. À Fabienne, hein. C'est bien, salut Fabienne. Bon, nous avons Baptiste, 10 ans, de Profondeville, qui aimerait faire un petit bisou à sa mamie Nanette. Ouais, bah, si tu veux lui faire un bisou, va faire un bisou à ta nénette, là. Oh là là, toujours se compliquer la vie. Non mais t'es obligé d'être aussi désagréable. J'en ai mis dans le micro. Ah, mon cher auditeur, veuillez excuser René, mais il est un peu malade. Et donc, il n'est pas vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Bah bien sûr que je suis de bonne humeur, enfin. Je suis juste un peu enrubé. Enrubé. Oui, bon, t'es un peu en surpoids, non, mais... Ça va. Eh, stop, hein, et là, c'en est trop, mon Guy. Tu veux du sirop? Non, je dois avoir ça. Attends, ne bouge pas. Arrête! En attendant, détends-toi, mets un petit peu de musique, tu mets ce que tu veux. D'accord. Je suis malade. Oh non, pas ça. Bah forcément, attendez. J'ai une autre cassette encore sous la main. C'est écrit quoi? Rodéo, elle glisse. Cette histoire me rend malade. Pas terrible non plus. On sent, mais c'est pas vrai. Guy, c'est toi qui as fait cette sélection de cassettes. C'est quoi cette programmation? Évidemment que c'est moi. Oh, tiens. Là là. Oh, tiens, prends ton sirop. Oh, je m'occupe de la musique parce que toi, ça va pas. Mes mauvaises nouvelles, la voilà ma maladie. En effet, comme elle en est, c'est maman qui me l'a dit. Mauvaises nouvelles, la voilà ma maladie. En effet, comme elle en est, elle l'a dit. Bon. Les cocos, vous avez fait assez de dégâts. Hein. Oh non. On va laisser les pots faire. Allez. Oh, mais René, remets tes mains. Oh, mais Caro, mais ça fait deux fois. Non, déjà, c'est à vous la veste, là. Oh. Je viens de faire tout dans la manche. J'suis allez, désolé. Guy, René, à la prochaine. Bisous. Au revoir. Bisous, madame. Bisous. Ah, vous êtes gentil. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Waouh, c'était encore très puissant. Je sais pas ce qu'ils prennent ces gens-là, mais on est ouais. Content de leur avoir prêté l'émetteur au moins 3 minutes. Un autre délire, Barbie Girl maintenant, ça vous va avec Nicki Minaj? C'est super. Sans transition. Juste après le Fallait nous le dire plutôt de Maëva, on va jouer avec l'énigme, c'était je sais plus. Le bout du maître. Ah oui, le bout métallique dentelé. Avec un trou édentelé, pourquoi? Le fameux huissier de justice, maître Ruban. Urban Music Non-Stop, c'est bien. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Alors pour tout vous dire, vraiment, là, on n'a pas vu la fin du truc. Hein. On était complètement en train de préparer la suite. Maëva, qu'est-ce qu'on fait maintenant, s'il te plaît? Fallait nous le dire plus tôt. Ah, c'est super. Donc pour ça, il faut des beds. Pour ça, il faut... Trouve-moi une musique de parfum, va. Non, mais il faut tout faire ici, hein, c'est pas possible. T'as tes musiques à toi. Voilà, mais hop oui. Là, je prends celle-là. Je prends celle-là aussi. Hop là, ça arrive. Hop là, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Wow. Et c'est de la radio en direct, et non? Rapide et tout. Vous avez vu? Le fallait nous le dire plus tôt, Maëva, cette semaine, on joue avec... Avec le maître, bah pas vraiment ruban, mais si, ça s'appelle ruban aussi, mais c'est celui, comme je disais, qu'on retrouve dans les caisses à outils et pas celui de couture. Au bout, il y a une petite pièce métallique en forme d'un petit angle droit. Au tout bout, il s'est dentelé et il y a un petit trou aussi. Au tout bout. Tout au bout, vraiment, c'est dentelé et il y a un petit trou. Pourquoi? Ok. Du coup, c'est pas pour la couture, donc ça n'a rien à voir avec un fil de couture? Non. Ok. C'est pour le suspendre, pour le ranger. Oh bah non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sinon, il va se dérouler si tu te suspends par la fin, non? Le petit bout, c'est pas le petit bout, non, c'est le petit trou en fait qu'il faut trouver. Et pourquoi c'est dentelé? Pourquoi c'est pas juste un bout en métal et basta? Déjà, j'ai pas l'image. Comme le papier collant, c'est pour que ça se déchire. Mais tu vois, t'as le mètre qui ouais. Reste droit, et au bout, t'as un petit angle droit métallique. Ouais. Et mais moi, j'ai celui de couture en tête, hein. Donc. Oui, toujours dessus que t'es plus couture si, que angle droit. Oui. Ah mais si, enfin, mais l'angle droit c'est pour tenir après quelque chose. Enfin, moi je l'attache toujours en dessous d'une table ou... Oui. Ou dessous d'un, d'une mince. Bon, on sait pas, je pense qu'on peut ça passer à la réponse. Mais c'est, alors déjà le. Mais pourquoi ça c'est dans mes musiques? Non mais attendez, faut qu'on vous explique. Mon cartouchier a ripé d'une ligne et donc au lieu d'avoir ton bed qu'on a chargé il y a 3 minutes, hein, j'ai eu le droit à cette musique. Formidable. Allez, on y va. Donc ce petit bout métallique en angle droit, le trou déjà. On peut pas passer. Je sens que ça va se retrouver dans le... Ce trou, ça s'appelle l'œil du maître ruban et ça permet d'accrocher le maître au clou, au vis, sans qu'il glisse quand on prend les mesures, tout simplement. Quant au bout métallique, il est dentelé. Pourquoi ? Parce que par exemple, si vous avez vos deux mains prises, sur certaines surfaces comme le plâtre ou le carton, si on appuie un peu, ça va faire une petite marque. Donc pas besoin de faire avec son petit crayon ou son bic le bout dentelé. En fait, il suffit d'appuyer un petit peu et voilà. Waouh ! C'était tout simplement ça. Donc, on dormira encore moins bête. Mais la prochaine fois, vous saurez utiliser un mètre. Moi, j'ai tout retenu. Je peux vous en faire une synthèse. C'est la trappe. Ah, cette petite fille, géniale. On a fait des belles chansons. Bienvenue dans quelques instants. Jean-Michel, son bar, on va s'y connecter dans quelques minutes. Le Blenklet sur les coups de 22h, c'est la suite du programme. Merci de nous avoir choisis. Mercredi soir en direct. L'ambiance est bonne. Surtout quand j'ouvre mon micro pour parler, en fait, c'est le concept même de la radio. Voilà, je le découvre, hein. Écoutez, c'est mon premier jour et franchement, qui n'a pas fait des bourdes son premier jour? Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, comme on peut. À consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Ah ouais! J'avais oublié que cette saison, Jean-Michel n'est plus client, mais patron d'un bar. Et c'est ça qui est fou. Jean-Michel, toujours autant aimé par Maëva, je me trompe. Oh pardon, oui. Je la réveille. Oh. Madame, oui. On fait de la radio. Mais, oui, non, ben j'aime bien Jean-Michel. C'est juste que parfois il abuse un peu, mais moi je l'aime bien, il est attachant. Ouais, enfin, attention, sortez quand même vos masques de protection parce que même si vous prenez le volant, prévoyez un alcotest. Selon la légende, rien qu'un postillon de ce personnage en contact avec votre peau et vous passez à 5 grammes d'alcool dans le sang. Bon, on va quand même essayer de s'y connecter. Bonsoir Jean-Michel. Bien le bonsoir. Attendez deux petites secondes, j'ai une petite urgence. Ne bougez pas, je dépose mon micro. Qu'est-ce qu'il fait? J'entends comme de l'eau là. Je veux bien vous attendre, Jean-Michel. Jean-Michel, coupez votre micro. Ah non, j'ai compris ce qu'il fait. Attendez, on va couper son micro. On va attendre un petit peu parce que je pense savoir ce qu'il fait là. Est-ce qu'il a fini? Jean-Michel, vous avez... Ah non, il est toujours en cours. Voilà, on va le laisser finir parce que là, ça devient compliqué. Allez, j'espère que c'est bon là. Voilà, Jean-Michel, c'est bon. Oh, vous êtes à cœur là? Bah oui, on est là. Pensez à mettre votre micro dans une autre pièce ou à le couper quand vous faites pipi, Jean-Michel. Ah, je suis désolé, mais c'est à cause des clients de mon bistrot, hein, tu sais. Je peux pas refuser. À chaque fois, on m'offre des verres. Alors, le verre du patron, bah voilà, j'ai pas le choix. Je suis obligé de les prendre. Puis bon, bah, je commence un petit peu à attraper de l'âge. Hein, donc, ça devient compliqué pour ma citerne. Votre citerne? Mais Jean-Michel, vous êtes en service. Vous n'êtes pas obligé de tous les accepter, ces verres. Vous avez bu combien de verres d'ailleurs? Ouf! 2, 3. Ça va être long ça. 12, 33, environ 50. Oh mon dieu! Mais non! Oh. Jean-Michel, mais c'est pas possible! Parce que. Mon nick! Attendez. C'est très décousu, Jean-Michel. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Merci d'avoir compté. Mais Monique, quel est le rapport? Elle est ici. Elle est ici. Elle est vivante. Elle est Monique. Jean-Michel, vous n'êtes jamais monté autant dans les aigus. Calmez-vous. Attendez. Vous avez peut-être un peu trop bu pour parler aujourd'hui. Allez vous reposer parce que la vraie Monique, pour rappel, la semaine dernière, vous nous aviez dit qu'elle était empaillée dans le fond du bar. Vous avez raison. Mais elle se fait passer par ma Monique. Je vais l'assommer avec une chaise. Prends ça, la vieille morue. Mais non, Jean-Michel, arrêtez. Ne lui faites pas de mal à Monique. J'en ai rien à faire. Mais mon gros cochon, tu es bête ou quoi? Depuis quand tu tapes ta femme? Ma femme? Tiens, prends ça! Ma femme, elle est morte! Mais... Laisse poli, je t'en prie. J'ai déjà du mal à accepter la mort de ma sœur jumelle. Alors évite de m'envoyer sous terre avant l'heure, mon lapin. J'ai seulement été dormir chez ma famille la semaine dernière. Waouh, en fait, Monique est en vie, merveilleux, mais alors quelle bonne nouvelle! Oh, on est quand même désolé pour ce petit malentendu, évidemment, désolé pour votre sœur. Enfin, la sœur de Monique, Jean-Michel. Oh, je suis heureux! Ah, je croyais que vous étiez en train de pleurer. J'en suis aimé. Oh, mais c'est l'autre morue qui est morte. Oh, quelle chance. Oh, vous m'excuserez, mais là, je ressens le besoin de chanter. Ah, la morte, là, t'es mordée. Je savais qu'il reviendrait. Ah, la morte, là, t'es mordée. Je savais qu'il reviendrait. Jean-Michel, attendez, coupez-moi cette réverbe. Jean-Michel, il est où? On sent les 50 vers. Il veut pas nous la refaire, la chanson. Jean-Michel, il va nous refaire la chanson parce qu'on l'a pas. Oh, je suis ému. On va la refaire juste pour le podcast, histoire qu'on coupe. Ah ouais. Parce que c'était pas très... Arrêtez de rire, Jean-Michel, parce qu'on aimerait bien la voir correcte pour le podcast. Allez, on y va. Non mais Jean-Michel, on va pas pouvoir. Allez, on va vous laisser profiter tous les deux. Hein. J'espère en tout cas qu'on vous retrouvera la semaine prochaine sains et saufs, tous les deux réunis et plein de bonheur. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. On va quand même la retenter une dernière fois, hein, dans le doute, on sait jamais que Jean-Michel y arrive. 3, 4, allez-y Jean-Michel. Ah, la mort, j'ai envie de demander. Ah, elle est morte, la petite. Ah, mais... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel? Bah, elle est pas morte, justement. Bon, faut que j'arrête de boire. Ça, c'est de la faute. Ah, c'est parce qu'on m'offre des verres, j'en ai bu trop. Allez, allez-y. Il y a une cathédrale ici. Ah, elle est morte. Ah, mais non. C'est quoi le texte? Cette fois-ci c'est bon parce que je sens que les gens vont en avoir marre. Ils en ont marre là. On a mal au ventre, on a bien rigolé là. Et vous m'invitez la prochaine fois. Bah Kix, t'as loupé un truc. Ouais, mais il faut m'inviter là. Attends Kix, juste pour toi. Oui. On espère qu'il a repris ses esprits. On va se reconnecter à Jean-Michel. Okay. Pour tenter qu'il finisse. Vous n'avez pas de limite. Oh bah non, ça c'est sûr. Kix, t'es là? Moi je suis là moi. T'écoutes? Moi j'écoute. Ok, Jean-Michel, vous êtes là? Oh ben, je suis toujours là, moi. Est-ce que vous avez votre réverbe? Oui, ben j'ai toujours bu un peu trop. C'est pas ça qu'on vous demande. Ah, bon. Attention, vous vous concentrez. Oui, elle est pas morte. Non. Bon. Le texte, c'est quoi? Dites-le a cappella. Elle est là, la petite Monique. Allez, on le tente. Elle est là, la petite Monique. Elle est là, la petite Monique. Je savais que tu reviendrais. Elle est là, la petite Monique. Elle est là, la petite Monique. Je savais que tu reviendrais. Hey! Wow. Urban music non-stop, c'est bien. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Je peux vous dire qu'au premier degré, moi je n'y croyais plus. Je me suis dit, c'était mort. Oh là là. On avait mal au ventre, on a rigolé là pendant Soul King. Là. Qu'est-ce que c'était infernal. Oh, j'ai loupé ça. Sinon, Jean-Michel, on peut dire qu'il a un accent belge. Ouais. Oui, hein, sacré. Un accent ouais. Bière, oui. Ah oui, sacré accent. Il est identifiable. Oui. Et ça s'entend fort en radio, c'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Vous, quand vous enregistrez un vocal, vous aimez vous réentendre? Pas du tout. Moi, non. Bah, juste pour m'améliorer, voir... M'améliorer dans les vocaux. Ouais. D'accord. Ça, je sais que le gars, il fait des écoutes de pige, ouais. Mais de... En fait, j'arrivais de m'envoyer moi-même des vocaux, juste pour me réécouter. Non, c'est pas bien ça. Reformule. Mais... Non, mais tu rigoles. Non, c'est vrai. Vous savez que ce mec est vraiment bizarre. Hein. Ah, merci. Non, mais... Non. Il faut vraiment qu'on parle d'un truc. Kix. Là, ça, c'est rien, ça. Ouais. En venant à la radio, Il m'a dit est-ce qu'il y aura de l'orage? Ouais. Parce que moi, s'il y a de l'orage, je sors plus de chez moi. Ah ouais, j'ai horreur des orages, moi. Bah, j'ai dit, tout le monde le sait. Raconte les wallows. Oui, les wallows. Bah, j'ai vu un éclair, mais c'était le dernier jour, ça va. J'ai vu un éclair, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, il va y avoir de l'orage, je rentre chez moi. Bah, j'ai bien fait parce que il a draché, comme diraient les Belges. Et quoi, c'est de la peur, t'as peur? Ah, j'ai horreur de ça, ouais. Et pour moi, je sais pas pourquoi, je sens que la foudre, elle est obligée de me tomber dessus. Et vu que j'ai énormément de chance, bah, il est fort probable que ça arrive un jour. Mon petit frère aussi, il a peur. Voilà. Il a 8 ans. Non, j'ai basculé dans une autre émission. On arrête. Donc je disais, les vocaux, ça fait bizarre parfois. Par exemple, si on en enregistre un comme ça. Ouais, frangin, j'ai bien eu ton message. Donc je démarre dans 5 minutes. Donc dans 20 minutes, je suis chez toi, ça va? Allez, à tout à l'heure. Bah, quand on est Carolo et qu'on le réécoute, ça donne ça. Mes couilles, hein, ma biche, hein, j'ai bien eu ton message. Hein, mes couilles, hein, mais je vais démarrer dans 5 minutes. Hein, mes couilles, hein, ça veut dire que dans 20 minutes, hein, je vais arriver à ta baraque. Hein, ça va, mes couilles, hein, toi tout. C'est à peu près ça, ouais. Ouais. Je sais pas comment on parle à cul des sars chez toi, Maëva. On parle comment? Ben parfaitement bien. Ah ouais? Vraiment? T'as pas encore ta petite phrase? J'ai démarré, j'arrive bientôt. Ne t'inquiète pas. Voilà. Et en vocal, ça donne. Je démarre bientôt. C'est plus l'accent du borinage que j'ai. On peut pas la voir, juste en exclu. Bah. Dans le cul des sauts, je sais pas quoi là. Quoi? Bah, ta phrase de cul des sauts. C'est pas cul des sars, ça, c'est le borinage. Non, oui, enfin l'accent que tu avais. Oui. Mais tu peux pas le refaire. En fait. Attends, c'est quoi dans la voiture? Ah oui, on est harloché comme une boule de gomme dans le bouc des sous. Voilà. Ça veut dire qu'on a rien compris. Et elle a une autre chanson aussi, c'est On est bourré au Lanier. Ouais, allez, attention, on y va. On y va. 1, 2. On est bourré. Non. Ouais, il faut le faire. Attends, on va le refaire. 1, 2. Non, attends. Allez, on y va. 1, 2, 3. On est bourré. Où on est nié, ça vient de famille, on n'y peut rien. On parle pas toi de notre village. Bref. Cette émission part en. Mais quand je fais des vocaux, je parle pas comme ça. Hein. Ah bon? Eh ben non. Ah bon, ça marche. Enfin, sauf quand je suis. Pardon? Alcoolisé. Ouais, donc tu parles comme ça, quoi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci. Allez, comme vous avez été sage, vous avez gagné en exclusivité une bouteille d'alcool. Non, arrête, faut pas dire ça à la radio. Ah oui, mince. Vous avez gagné un beau cadeau. Oui. Offert par Radio Falmignol. Ah, ouh. Un nouveau produit dérivé de la station. En voici la publicité. Si jamais les auditeurs sont intéressés, vous l'avez, c'est cadeau. Yes. Vous le gagnez. Les auditeurs, si jamais vous êtes intéressés, écoutez la pub. Retrouvez la programmation musicale de Radio Falmignol. Rythme et ambiance. Désormais sur une compile. Des chansons entraînantes pour faire la fête. Découvrez sur le triple CD. C'était vraiment chouette. Un son qui décoiffe. C'est quoi, c'est quoi? Bienvenue à Galassuyana. 15 euros seulement pour une ambiance garantie. Disponible dès maintenant chez votre disquaire ou en vente par correspondance. Rue du Cimetière numéro 7, 5500 Falmignol. Moi j'aime. Oh, wow. Quelle chance d'avoir ce CD. Vous êtes content? Ah, moi je vais l'écouter tout de suite. Dans la voiture tout de suite. Ah, merci. Dès 20h, Jadoul et son équipe dans La Trappe. On transmettra à nos amis de Radio Falmignol qui se sont donné beaucoup de mal pour cette compile. Dans un instant, le Blind Clet arrive et plein d'autres surprises, bougez pas. Joli go. Ah. Non, le chantez pas ça. Des chauffeurs dans Bruxelles et la soirée est longue. Très longue. Avec La Trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul dès 20h sur KIF. Elle a démarré dans cette émission la semaine dernière. Maëva, je ne sais pas si tu la connais. Non, je la connaissais pas, mais j'ai cherché sur TikTok après ça parce que c'est une influenceuse quand même... en fait. Brittany, okay. C'est notre nouvelle pépite. C'est-à-dire que on avait la soupe aux poireaux. Une soupe aux poireaux. Et après, Brittany. Voilà. Ah bah oui, elle est venue la semaine passée. Enfin, on l'a entendu la semaine passée. On l'a entendu la semaine passée, Brittany, elle revient pour une deuxième semaine. Que s'est-il passé dans le petit monde de Brittany? On découvre tout de suite ces trois stories de cette semaine. Bonjour Mévi, c'est Brittany. J'espère que vous allez bien Mévi, moi ça va cro-cro bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto beauté, comment faire un bon contouring. Ce tuto il est fait pour toi face de craie. Alors, pour ce tuto, on a besoin d'un pinceau, d'une éponge Beauty Blender et bah d'un contouring en fait. Alors, le contouring, on prend la couleur qu'on veut, genre brun noir, t'as capté. Moi, je prends un brun orangé qui me donne des couleurs, comme si j'avais été sur les plages de Punta Cana en fait. Ensuite, bah, ça me semble évident, mais je vais dire parce qu'il y a des teubés. Le contouring, bah, tu le mets sur les contours de ton visage et tu deviens sculpté comme si t'étais Michel-Ange. Tu vas avoir l'air d'avoir perdu plus de kilos que si t'avais fait Weight Watchers, ma vie. Hein. Ensuite, tu viens blender ta grand-mère pour fondre avec le reste de ta tête. T'as capté, wesh. Voilà, c'est fini pour mon tuto. Après, si tu ressembles encore à un bonbon tic-tac, bah c'est un flop. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'astuces beauté avec Brittany, mes vies. Bisous, bisous, exo-exo et cœur avec les doigts. Voilà. Brittany était très en forme. Ah oui. Moi, je me dis que les influenceuses, ça plaît pas aux meufs. Je trouve que c'est un truc de mec, les influenceuses. Parce que je trouve que les meufs, entre elles, elles se détestent beaucoup. Ah oui, ben ça... Elles sont dans une rivalité, machin. Les critiques viennent souvent entre elles. Hein. C'est une pute. Elle est un petit peu agressive aussi, Brittany. Ah, t'as vu, c'est faux. J'aimerais bien voir à quoi elle ressemble un jour. Parce que là, on a que le son, c'est de la radio. Mais ouais, faudrait l'inviter, ouais. Ouais, ça doit être encore très glorieux. Waouh, Jadoul et son équipe dans la trappe. Si on a le temps, on se fait un petit chrono quiz là d'ici quelques minutes. Oui. 5 secondes pour donner 3 réponses complètement folles. C'est juste après Favé. Et le Blanket arrive. Bienvenue, on est en direct avec vous, il est l'heure de jouer au chrono quiz. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Oh yeah! On y va. Le chrono quiz, c'est très simple. Je vous donne un intitulé. Cite-moi. Nanana, et vous avez 5 secondes pour me donner 3 choses. D'accord? Okay. Et en fait, le truc qui est drôle là-dedans, c'est le stress. Bah oui. Oui, oui, oui. Ça donne des sons comme Maeva la semaine passée. Ah ouais. Que attends, tu as certainement sous la main. Oui, je l'ai. Il faut juste aller le chercher. Comme par exemple. voilà. Ça, c'est Maeva. Donc, je gère très bien le stress. Ça va être sympa. Ça s'entend. En plus, t'es enrhumé. Il faut le dire pour les gens qui arrivent. C'est un carnage. Je t'ai jamais vu autant down. Ouais, t'es venu avec ta citerne d'eau. C'est ma gourde 2 litres pour. Ah ouais, toi, c'est 2 litres, on dirait 3. La médecin m'a dit buvez beaucoup d'eau, j'ai des prémons. Bah, ça, bravo. Hein. Depuis, il n'y a plus d'eau dans sa région. Maeva, cite-moi 3 choses qu'on peut boire. De l'eau, du coca ou du café. Très bien. Kix. Oui. Cite-moi 3 choses par lesquelles on peut passer son œil. L'œil de la porte d'entrée. Ouais. Dans un pantalon. Non. Pardon. Pardon. On n'était pas. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. C'était pas. Non, d'accord. Il y avait le trou des fards, comme tu disais. Ah oui, le trou des fards, c'est vrai. Et quoi d'autre? On aurait pu passer un œil dans une lunette. Bah, par la porte, par la fenêtre, par. Par une barrière. Bah, dans une lunette. Et des lunettes, bien des sûr. Des lunettes. Bah, c'est tout à fait possible. Ah là là. Ça, c'est le karma, tu vois. T'es rigolé de Maeva, hein. Enfin. Maeva, cite-moi 3 chanteurs décédés. Décédés? Johnny Hallyday, Michael Jackson et. Mais purée! Mais non, mais enfin, Maeva! Mais j'en connais 10 000! Bah, ça, oui, c'est le problème d'ailleurs. C'est pas possible! Oh là là. Allez, un facile pour l'égalité. 3 trucs de rouge. De rouge? Les diables rouges, enfin le maillot des diables rouges, un piment rouge et un poivron rouge. Waouh, juste avant le gong. Ouais. Très beau. Et ça? Maeva. Oui. Cite-moi 3 choses que l'on peut conduire. Une voiture, un tracteur ou un avion. Très bien. Il n'y a que Maeva pour sortir le tracteur. On voit qu'elle vient de la campagne. Elle vient de là-bas. Ça se voit. La charrue et. J'ai déjà conduit un tracteur, oui, oui. Kix, cite-moi 3 choses que l'on peut faire coucher. Dormir, la nage et. Tu fais l'amour comment? C'est une question juste que je me pose comme ça. Ouais, mais ça, ouais, coucher, faire l'amour, ouais. Fin... Bah, ça marche. Par contre, regarde, la semaine dernière, pour dire. Enfin, qu'est-ce que t'avais sorti un doigt dans le cul là? Il n'y avait pas de soucis. Ah ouais, pas, ouais, mais c'est pas sorti de problème. Seul, hein, mais dire, virer de coucher, c'était ça, c'est. C'était sans filtre. Vous voulez en faire une vite, vite, une petite dernière? Allez, une petite dernière. Allez, une dernière. Avant de démarrer le blindclette. Oui. Vous me faites rire. Quoi? Je me concentre, moi. Citez-moi. Enfin, Maëva, cite-moi trois choses qui piquent en bouche. Ben, les bonbons qui piquent, le piment. Une aiguille. Bah, tu bouffes pas une aiguille, Maëva. Mais si tu la bouffes, ça piquerait. Qui bouffe une aiguille? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce jeu rend fou. Allez, le tout dernier, la toute dernière manche. Kix. Oui. Cite-moi trois présentateurs de journal télévisé. Oh, mais je les connais pas par cœur, moi. Non, j'ai pu. Oui, il y avait Jean-Pierre Pernaut. On l'a croisé dans la rue l'autre jour. Ah oui, Ah, il me revient plus. De Brigode. Francis de son prénom. François de Brigode et je sais plus. Il y avait Chantal. J'en ai plein en tête, mais je les connais pas. Claire Chazal. Claire Chazal, c'est vrai. Allez, à qui Madame Mouche. Tiens, pour toi, Kix, parce que t'y connais rien, et toi parce que t'as dit Chantal Chazal. Chazam. C'est la trappe sur KIF. Allez, Burna Boy, et juste après, on revient avec la Music Machine. Vous n'étiez pas là plus tôt dans l'émission, vous avez loupé un très grand moment. Le moment où on a découvert ce champion du monde, d'Euro à 130 décibels. Ça s'est passé en Italie. Je vous propose juste que vous réécoutiez ce que c'est un RO qui va à 130 décibels avant de démarrer cette séquence. C'est absolument génial. La victoire. Et cette ambiance. La victoire. Ce bœuf. Moi, j'aimerais de faire ça. Tu sais, t'as ta chérie qui se réveille le matin. Tu fais. Et ça va, ma chérie? Et ça met en forme pour la journée, tu vois. Et t'as tous ceux du bâtiment qui font ouais. Ta pauvre chérie ici. Ouais. Passe pour un gros beauf, quoi. Oui, en effet. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire de beau là à 22h04? On est déjà le à blanklet, bourre. Le blanklet. Ouais, super. Tout ça parce que Maëva, elle gagne. Oui, mais elle est trop forte. Et toi, tu perds. Moi, je ne sais jamais rien. Bah, parce que tu mets pas du tien. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mets-y du tien cette semaine. Ah, j'y mets du mien. D'accord? Ouais. Allez. Moi, j'aime bien le générique. Quoique, la semaine passée, on a fait égalité parfaite. Hein. Oui, c'est vrai, ça. Il y avait Antoine. C'est quoi le générique? Les musiques. Machine. On va laisser l'original. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. T'as cru que j'allais pas le mettre, hein. Ouais, mais tu m'as déjà fait le coup, hein, de pas faire le bam. Et c'est parti en bagarre entre les deux. Ah là, mais ça va être fou. Mais alors justement, ça va tellement se jouer serré entre Maëva et Kix que nous avons pris une pointure dans le monde des huissiers de justice pour arbitrer le match de ce soir. On maîtrise pas, je suis l'huissier du choix pour le petit Jadoul et toute son équipe. On maîtrise pas, la la la la la la. Je suis votre huissier et vous allez m'aimer toute la vie. Super jingle, merci beaucoup maîtrise pas de vous être donné autant. Bonsoir. Ah, bonsoir ma petite chouquette. Oula! Super, il a je suis super heureux d'être ici. Vous avez passé de bonnes vacances? Oh, bah très très bien, j'étais au soleil. Au soleil dès minuit. Ouais, super. Je me suis amusé. Régalé. C'est cool. Ah, bah vous êtes bien bronzé du coup. Oui. Bah, ah oui. Voilà, bah, c'est joli. Hein. Oui, mais c'est beaucoup de la pollution. Et vous vous souvenez de votre rôle dans l'émission? De qu'est-ce que c'est? C'est pas nous raconter vos vacances. Ah oui, c'est vrai. C'est. Mais j'y me concentre, j'ai compté les points de tout le monde. C'est ça, et vous vérifiez qu'il n'y a pas de triche, qu'il n'y a pas de Shazam, qu'il n'y a pas de machin. C'est bien. On joue. On a pris des gens qui chantent bien sur TikTok, l'application. Et on essaie de deviner titre artiste. Mais les vrais. Ouais, on y va. Axel Red, sensualité. Mais Maëva, on peut jouer. On peut profiter un peu des extraits. Qu'est-ce que je disais? Y'a pas moyen? J'aime tes yeux. J'aime tes gestes en douceur. Demande. Il y a déjà des TikTokers qui chantent mal. Pourquoi vous en rajoutez? Pardon. La version TikTok était quand même fameuse. Non mais faut pas se donner autant. Oui, ça va, merci beaucoup. C'est gentil, on va s'arrêter là. Maîtrise pas. On maîtrise pas. Les points. Et j'accorde un point pour Maëva. Ah, c'est bien. C'est... En même temps, c'était la première manche, donc c'est logique que vous nous dites ça. Allez, on y va, deuxième manche. We do it all. Ah, fais-moi les mains. Ah, si. J'ai connu ça. Ah oui, comme tout, mais. Oh, oh. Ah ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Bah ça va. Mais... elle est dans Grey's Anatomy plein de fois. Ah bah oui, évidemment, épisode 73. Mais c'est pas loin de ça. Waouh, vous allez perdre. Non. Avec... en plus, moi je ne l'ai pas, je connais, mais évidemment. YouTube. Non, c'est. Muse. Non. Merci d'essayer. Ah, oh, ça c'est. Would you lie with me and just together? Ça devient long là. Oui. Allez, je sais plus, je l'ai pas. Ça. On m'envoie la réponse par SMS. Mais ah, oui, envoyez ça à mon numéro de téléphone, le 0. C'est vrai, envoyez-le moi. Je ne sais plus. Bon bah un point pour ça va m'énerver. Je sens personne. Maëva, t'es prête pour la frustration? Ouais, grosse frustration. If I lay here. Snow Patrol. Oh, Crashing Cars, évidemment. Oh. Mais forcément. Je l'avais sur le bout de la langue. Dans Grey's Anatomy, il y a tellement peu d'accidents de voiture. Non, c'est pas Crashing, c'est Chasing Car. Ouais, c'est pareil. If I lay here. Avec Torres dans Grey's Anatomy, on dit. Donc voilà, c'est vraiment complet quoi. Bon, ça fait un point pour personne, maîtrise pas, vous économisez de l'encre. On y va, voici la troisième manche de ce Blanklet. Vous aussi jouez à la maison, ça peut toujours être sympa, concentrez-vous. Troisième manche, on y va. C'est une Dion. C'est le truc de Titanic ça. Oh, wow. Kix. Ouais. Bravo. Ça va faire mal aux oreilles. Franchement, Kix, là, tu m'as impressionné. Merci. Oh, pardon. Bravo, la belle performance. On maîtrise pas. Récap des points, monsieur Ispa. J'en fais un point par touche. Pas le touche. Attention avec vos mots, hein, parce que. Change. On va pas s'y méprendre. Hein. Avant-dernière manche, concentrez-vous bien. C'est ma chanson préférée de tous les temps. Si vous me connaissez bien, vous avez déjà la réponse. When you were Creep. Creep de Radiohead. C'est ça? Ta musique préférée. Ouais. En fou, on l'entendra en entier. Et comme quoi, il y a moyen de la massacrer. But I am queer. I am a widow. La joie, il faut qu'un effort. J'ai déjà massacré cette musique. Oh, une fois, j'étais à une soirée karaoké et une copine me dit, viens, on va mettre une musique que t'aimes bien. Et, parce que j'adore aussi cette musique. Et ah. Elle m'a pas laissé choisir. Et enfin... essaye de chanter ça au karaoké, c'est pas possible, on la massacre. On a l'extrait quand t'as chanté au karaoké, on écoute. But I am queer. C'était ça. I'm a widow. What do you hear I'm doing here? Écoutez jusqu'au bout. I don't belong here. I don't belong here. Secoue son sourcil. Bye. Oh là là. Il l'a fait la même étape. Maîtrise pas. Kix, quand on n'a pas de points, oui. On la ramène pas. Hein. Attends pour moi. Maîtrise pas les points. Oui, chalopard, tu pars sur moi. Bon, du coup, ça fait deux points pour Maëva et un point pour Kix. Ah bah, ben, c'est super, voici la dernière manche. Coldplay, Viva la vida. Ah, c'était très vite. Hein. Même Kix, il a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Ouais. T'allais la voir, Kix, ou pas? Oui, non, pas je si. Non, t'allais pas la voir. Si, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de bonne. Les gars, c'est pas possible. En plus, la version de TikTok, Maëva, je sais pas comment t'as fait, elle est ultra saturée. Be my mirror, my soul, and see them. I'm listening and I'm forging the feeling. Non mais alors vraiment, j'ai envie qu'on se projette un petit peu. Kix, tu fais le curé? Ouais. On est à un mariage. Vous faites venir un groupe spécifiquement pour unir deux personnes. Imaginez ce moment sacré. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons ici ce soir pour célébrer ce... Il est joyeux. Mesdames et messieurs, mais nous non, c'est pas un animateur de foire, un curé. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons ici ce soir pour célébrer le mariage entre Maeva et Jadoul. Applaudissez. Ah mais imagine le carnage que tu fais à une soirée comme ça. Quelle horreur. Ah, je les ai repérés sur TikTok, ma chérie. C'est comme maîtrise pas, ils sont pas chers. Alors, et ça fait un dos stress pour Maeva et un os pour Kylian. D'accord, mais attends. Bon, pour qui que je parle? Tu vas pas me taper? Non, non, t'inquiète, c'est pas grave. Moi, j'ai eu chaud. Parce que les gens, ils comprennent pas ce que je voulais dire. Entre la graisse, le sang et la chaleur. Ah, je suis perdu, moi. Faudrait me mettre tout entier dans la machine. C'est Maeva qui a gagné, on peut le dire. Oui, c'est ça. Oui. Belle victoire. C'est très bien. Voilà, je vous raconte vite fait un truc avant qu'on parte. Hier soir, j'étais ici sur le rond-point de Mézières en train de manger un petit bout. Et il y a un petit collectif comme ça qui s'appelle, je crois, Stop la pub, Stop la pollution, je sais plus quoi. Là, bref. Collectif métissé, non? Non, c'est un collectif qui retire les publicités dans les abris bus et ouais. Tout. Et là, je les vois opérer. En fait, c'est un groupe de 15 personnes qui se baladent en vélo et ils arrachent les pubs dans les abris bus et tout. Et moi, je me suis dit, oh! Je vais faire la grosse poucave qui dénonce sur les réseaux sociaux. Oh. J'étais sur la terrasse. Et hop là, je commence à filmer avec mon iPhone et tout. Vous l'avez dit pas que mon flash se lance. T'as le groupe qui est en train de faire leur délit. Et moi, j'ai le flash. Oh là là. On me voit, c'est cramé. Je vous montre la vidéo, c'était juste incroyable ce moment, vraiment. Du coup, tout, tu t'es pas fait taper? Non, j'ai vite arrêté parce que là, vraiment, ça allait pas, quoi. Merci de nous avoir choisi encore une fois ce mercredi soir. On revient évidemment mercredi prochain en très grande forme. Et d'ici là, on est à retrouver en podcast. Et oui. Sur toutes les plateformes, vous tapez Jadoul, La Trappe, et vous retrouvez l'émission en intégrale comme un petit morceau. Je vous souhaite une belle semaine, une belle suite de semaine, les amis. Vraiment. Bisous. Faites des petits bisous. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Jadoul revient mercredi prochain.